Babiye, bon Dieu, ben babiye, aïe aïe aïe. Ou lebe ou ka yé ki babiye. Yé ki babiye, babiye, ben babiye, aïe aïe aïe. Ou lebe ou ka yé ki babiye. Ti boulom langa filan mauvais coton, aïe aïe aïe. Ou lebe ou ka yé ki babiye. Donatien yishpe ka filan mauvais coton, aïe aïe aïe. Ou lebe ou ka yé ki babiye. Babiye, bon Dieu, ben babiye, aïe aïe aïe. Babiye, wa babiye, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. Ti boulom langa filan mauvais coton, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. Donatien yishpe ka filan mauvais coton, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. Ti boulom langa filan mauvais bagay la, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. Babiye, babiye, wa babiye, aïe aïe aïe. Priez, bon Dieu, m'en désolé, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. M'en sacrio, maman Dieu, ça qui rive, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. Babiye, babiye, ou babiye, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. Nye ki babiye, babiye, ou babiye, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. Ti boulom langa fime vie bagay la, aïe aïe aïe. Maman des arrivés, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. Babiye, bon Dieu, wa babiye, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. Yé ki babiye, babiye, wa babiye, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. En vérité, babiye, wa babiye, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. Babiye, bon Dieu, wa babiye, aïe aïe aïe. Ka fi me vie bagay la, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. Babiye mouye mon Dieu c'est babiye, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. Babiye mouye c'est babiye les autres, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. Babiye bon Dieu wa babiye, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. En vérité babiye wa babiye, aïe aïe aïe. Ma fille me vie bagay la, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. Donatien yishpe ka fille me vie bagay la, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. Yé ki babiye, babiye, wa babiye, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. Babiye, bon Dieu, wa babiye, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. Mon sacrié, moi, mon Dieu, ça qui rive, aïe aïe aïe. Babiye wa babiye, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. Babiye bon Dieu wa babiye, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. En vérité babiye wa babiye, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. Ti boulom langa filan mauvais coton, aïe aïe aïe. Ka fi me vie bagay la, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. Yé ki babiye, babiye, wa babiye, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. Babiye, bon Dieu, wa babiye, aïe aïe aïe. Ou lebe ou kaye ki babiye. Mon sang pleure, maman, dosa ki rive, aïe aïe aïe.